Au bord du gouffre mystérieux, par Maurice Level. Comme quelqu'un s'approchait du lac et s'apprêtait à boucler ses patins, un monsieur s'avança vivement. « Avant que vous fassiez un pas de plus, permettez-moi de vous instruire du danger que vous courez. Cette glace est perfide entre toutes. Et à l'endroit où je vous parle, se déroula, voici 10 ans bientôt, l'accident le plus affreux que je sache. Les moindres détails m'en demeurent présents à l'esprit. » Quand je vous les aurai contés, je doute qu'il vous plaise encore de tenter l'aventure. Voici. Nous étions partis le matin de Paris, et la nuit était close quand nous arrivâmes dans une petite gare encaissée entre 2 gigantesques montagnes. Il était 10h07, heure de l'Europe centrale. Cette halte ne nous surprit pas d'abord, mais un brusque silence succédant au tintement d'un timbre, l'arrêt du halètement de la machine et l'extinction des lampes des compartiments ne tardèrent pas à nous troubler. Les dames, surtout, s'énervaient. Dans cet endroit sauvage, cette obscurité soudaine et ce soudain silence avaient quelque chose de tragique, et une jeune femme dit à son mari « Informe-toi, il se passe quelque chose de pas naturel. » Le mari descendit, fit quelques pas à droite, à gauche, puis revint. « Rien, une gare. Demande son nom. Je ne vois personne. » Des groupes s'étaient formés qui se cherchaient à tâtons, se heurtaient et s'interpellaient. « Cet arrêt n'est pas nommé sur l'indicateur. » »« Le certain est que nous sommes en Suisse. » »« À quoi le reconnaissez-vous ? » ?»« À ce qu'on a passé la frontière puisque la douane a visité nos bagages. » »« D'accord. Mais qui vous dit que ce soit la frontière suisse et non une autre ?»« Je suis de l'avis de monsieur. Depuis un moment, il me semblait ne pas reconnaître le paysage. » Vous ne voyez cependant pas le mécanicien se trompant de route comme un vulgaire automobiliste. Le mécanicien, monsieur, n'est qu'un instrument. C'est l'aiguilleur qui le lance sur une voie. Lui, il ne fait que suivre. Alors, vous croyez qu'un aiguilleur ? Je ne crois rien. Je constate. Je suis un homme logique. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ? Monsieur Ballet Sanguin. Monsieur Pirlet. Enchanté. Moi de même. Ne croyez-vous pas plutôt que nous soyons simplement en panne ? C'est encore possible. Il n'y a qu'à s'informer auprès du mécanicien. Les deux hommes s'éloignèrent. Quand ils revinrent, les autres voyageurs commençaient à donner des signes d'impatience. L'un cria, du plus loin qu'on les aperçut, « Eh bien ?» Ils ne répondirent pas tout de suite, et l'on pensa que la difficulté qu'il y avait à se tenir en équilibre sur les pierres glissantes était la cause de leur mutisme. Mais quand ils eurent franchi les derniers mètres, on s'aperçut, à l'hésitation de leur voix, qu'il y avait un autre motif et plus grave. « Nous n'avons trouvé personne sur la locomotive », articula celui qui se nommait M. Ballet Sanguin en s'épongeant le front. « Allons !» ricana un petit monsieur avec une résignation amère. « Je vois ce que c'est. Un ordre de grève lancé par quelques comités, et ces messieurs t'obéissent sans se soucier du danger qu'ils nous faisaient courir. » Le voyageur qui répondait au nom de Pirlet le détrompa. « Non, monsieur, l'événement est à la fois moins dramatique et plus étrange, car la voie se termine ici. Monsieur et moi, nous nous en sommes rendus compte en manquant de tomber sur les butoirs. « Un guet-apens ? » lança une dame d'une voix perçante. « Félix, as-tu ton revolver ?» Monsieur Pirlet se tourna vers son épouse et assura qu'il l'avait. Mais elle ne se tint pas pour convaincue et exigea une preuve. Force fut à M. Pirlet d'avouer qu'il l'avait oublié sur la table du petit salon. La certitude du mensonge, autant que l'absence de larmes, acheva de bouleverser Mme Pirlet qui affirma « Nous sommes perdus ». « Mais, » murmura M. Pirlet, attaché surtout à faire pardonner son oubli, « mon revolver n'est pas efficace, c'est un pistolet de dame, presque un joujou. Tais-toi, misérable !» lui intima Mme Pirlet. Il soupira, mais se le tint pour dit. Aussi bien sentait-il que l'orage, un moment différé, éclaterait ensuite avec plus de violence. C'est lui, nous l'apprîmes dans la suite, qui, à force d'insistance, de description enchanteresse, avait décidé sa femme à accomplir ce voyage. Cette dame n'était rien moins que sportive et préférait aux cimes inaccessibles, aux vastes paysages d'hiver, les lignes élégantes de l'Estérel, la route dorée de la Corniche et les salons du Casino. Mais il avait parlé de la beauté des sports d'hiver avec tant d'enthousiasme, énuméré les noms des altesses, des ducs, des comtes et des barons qui traînent les luges, glissent en ski et sillonnent sur leurs patins la piste argentée des lacs gelés, qu'elle avait fini par se laisser convaincre. Et c'était encore lui qui avait choisi l'itinéraire et la station. Madame Pirlet avait parlé de Co ou des Avants. Il s'était écrié « Co, bon pour les malades, quant aux Avants, autant rester chez soi, parle-moi de l'Engadine ». Et le nom à la sonorité dansante n'ayant plu à Madame Pirlet, on avait bouclé les mâles. En route, il ne cessait de décrire les merveilles de ce pays. « Quand tu l'auras vu, tu n'en voudras plus voir d'autres. Un monde d'une élégance. Les pistes, autant de salons où l'on croise ce qu'il y a de plus chic en Europe et en Amérique. Maintenant, surtout, ce doit être incomparable. Le change a écarté de ces contrées les demi-riches. Seuls, ils fréquentent encore les vrais fervents du plus beau des sports, les gens pour qui l'argent ne compte pas dès qu'il s'agit de satisfaire un plaisir. » Cette dame nous précisa ces détails dans une conversation que nous eûmes le soir à l'hôtel. Je vous les donne car ils sont indispensables à la clarté de ce qui va suivre. Donc, Madame Pirlet, qui ne manquait pas de décision, décréta « Nous n'allons pas rester à nous morfondre ici jusqu'au jour. Il doit bien y avoir quelqu'un dans cette gare, renseigne-toi. » Monsieur Pirlet s'élança, s'enfonça dans la nuit et reparut, esquissant un sourire timide. « Nous sommes arrivés. » « Impossible, » protesta un voyageur. « À moins que notre train ait marché depuis Pontarlier à 250 km à l'heure. Il y a plus de 100 km à vol d'oiseau de la frontière au Grison, sans être géographe. Qui vous dit que nous soyons au Grison ?» répliqua avec humeur M. Pirlet. « Nous sommes à Pont-de-Joux, au-dessus de Valorbe. Nous avons pris un mauvais train, voilà tout. C'est-à-dire qu'on nous a mal renseignés. Nous ne devions pas changer. Nous ne devions pas changer !» ricana Madame Pirlet. M. Pirlet baissa la tête et s'empressa d'ajouter, espérant calmer son courroux et parlant d'une manière générale, « Au reste, le hasard fait peut-être très bien les choses. L'homme auprès de qui je me suis informé m'assure que cet endroit est un des plus pittoresques de la Suisse, qu'on y luge, qu'on y patine, que les vrais skieurs et les grands amateurs de bobsleigh s'y donnent tous les ans rendez-vous. Enfin, qu'il y a un monde fou. Où ça ?» Ce sera sa femme, en désignant d'un bras tendu l'immensité déserte. Il expliqua. Là-bas. Seulement, et sa voix trembla, il n'y a pas de traîneau, il faut monter à pied. Alors, et les bagages ? Balbutia Madame Pirlet. Demain, murmura M. Pirlet. On partit dans la nuit. Nous avancions en riant, prenant notre parti de l'aventure. À l'arrière-garde, trébuchant sur ses talons Louis XV, Madame Pirlet marchait, étranglée de fureur. Comme son mari tentait de la soutenir, elle se dégagea avec violence. « Ah, toi, tu sais !» Enfin, notre petite troupe arriva à une auberge qui s'intitulait « Hôtel de la Truite » et l'on se mit à table. C'est au cours du dîner que cette dame irascible nous fit le récit des événements qui avaient précédé son voyage, cependant que son mari mangeait du bout des lèvres. « C'était un pauvre homme, monsieur, un pauvre homme placide et soumis. Bref, tout en trouvant le menu détestable, il ne l'était pas, je vous l'affirme. » Elle se répandit en lamentations telles que ce fut miracle si les autres dames ne se mirent pas à vitupérer elles aussi leur mari. Le couple se leva à 9 heures et regagna ses chambres. Comme nous étions fatigués, nous en fîmes de même. Et les cloisons étant minces, nous entendîmes presque malgré nous la conversation. Le brave homme suppliait « Couche-toi !» Elle répondit « Je ne me coucherai pas !» Il tenta de la fléchir. « Puisque demain, à la première heure, tu auras tes bagages !» Elle répliqua « Demain, à la première heure, je serai parti !» Devant nous, elle s'était contenue. Maintenant, elle donnait cours à sa fureur. « Me crois-tu dupe de ta comédie ? Une erreur ? Allons donc ! Tu as voulu m'obliger à venir dans cet horrible trou. Tu t'es dit, une fois qu'elle y sera, il faudra bien qu'elle y reste. Je connais ta manière sournoise. Allons, à vous !» Et la voix, monsieur. Ce n'était pas un grand crime, tout au plus une petite supercherie, excusable en somme, chez un homme qui préfère le sport au plaisir mondain et au jazz band à 1200 mètres d'altitude. D'habitude, les menaces que l'on fait dans la colère sont rarement suivies d'exécution. Quand cette dame cria « Demain, à la première heure, je serai parti !» nous crûmes qu'autant on emportera le vent. Aussi notre surprise fut-elle grande, le lendemain, d'apprendre que le couple était parti par le premier train. Moins d'une semaine plus tard, nous le vîmes reparaître. La dame n'avait pas quitté son air courroucé. Quant au mari, comme quelqu'un le félicitait de ce retour, qui constituait en somme une victoire, il répondit en confidence « Ma femme a dû finir par se rendre compte que mon choix n'était point si sot qu'elle le prétendait. Durant notre séjour à Caux, il n'est pas tombé ça de neige, et le peu qu'il y en avait lorsque nous arrivâmes se rétrécissait chaque jour au point que nous devions en chercher quelques pelletées tous les matins sur les hauteurs pour en saupoudrer les pistes. Parole d'honneur !» Alors, comme on ne peut pas décemment, lorsqu'on a quitté Paris pour faire des sports d'hiver, y revenir, sans avoir un temps soit peu lugé ou patiné, force lui fut de rechercher ici ce qu'il n'avait pas trouvé là. Dans l'instant qu'il parlait, quelqu'un dit « Je crains qu'elle ne l'y trouve pas davantage, car le thermomètre monte, et tout porte à croire qu'il dégèlera demain. » Il pâlit, comme à l'annonce d'une nouvelle affreuse, et murmura « Ce serait la pire chose qui puisse m'arriver, car elle m'en rendrait responsable, comme de tout. Mais cette fois... » Il ne s'expliqua pas plus clairement. Le lendemain, ainsi que cela était à prévoir, la pluie se mit à tomber. Il sortit néanmoins vers 10 heures du matin et se dirigea vers le lac, seul, ses patins sous le bras. Comme à midi, il n'était pas de retour et que quelqu'un s'étonnait de cette absence, sa femme sourit. « Il reviendra quand il aura faim. » À 4 heures, l'ombre commençant à descendre, on s'inquiéta. La dame haussa les épaules. À 6 heures, la nuit étant close, elle donna des signes de nervosité, qui se changèrent vers 8 heures en une véritable angoisse. Tout le monde pressentant un malheur, le patron de l'hôtel, accompagné de quelques clients, partit à la recherche de l'imprudent. Le froid sévissait de nouveau. Au jour, l'expédition étant rentrée à Racé, on comprit l'affreuse vérité. À 100 mètres de la rive, on avait trouvé sur la glace un trou juste assez large pour livrer passage à un homme, et sur le bord, un bonnet de laine que nous n'eûmes pas de peine à reconnaître. Ainsi, le drame se reconstituait aisément. Surpris par l'obscurité, le malheureux n'avait pas vu cette crevasse et vous devinez le reste. Or, c'est ici que la chose, déjà assez affreuse par elle-même, prit un caractère hallucinant. Bien entendu, toutes les recherches faites pour découvrir le malheureux demeurèrent vaines. La glace ne rend pas ce qu'elle cache. Mais on avait la certitude qu'au printemps, le lac étant redevenu libre, le corps remonterait à la surface. Il n'en fut rien. Sondage, raclage, drainage demeurèrent sans résultat. Et il fallut la science combinée d'un géographe distingué, d'un ingénieur sorti de Polytechnique et d'un géologue illustre pour donner la clé de ce mystère. Il y a dans ce lac d'apparence paisible un gouffre, une perte, analogue à celle du Rhône. Où vont ces eaux? On en est réduit à des conjectures. Le certain est que le corps dut être entraîné vers des abîmes inconnus. Voilà pourquoi personne n'ose plus s'aventurer sur ce lac. Voilà pourquoi je me suis permis de vous retenir sans avoir l'honneur de vous connaître. » Il achevait, quand un monsieur, ayant bouclé ses patins, s'apprêta à descendre sur la glace. « Faites attention! N'avez-vous pas entendu ce que l'on vient de raconter ?» s'écria quelqu'un. « Si fait, » dit l'imprudent, « mais cette histoire ne m'émeut que d'une façon relative. » Et comme on le regardait avec la commisération qu'inspire la démence aux hommes sensés, il ajouta « Je suis celui qui disparut autrefois dans le gouffre. Ma femme était trop ennuyeuse en vérité. Successivement, j'avais songé à la tuer, à me tuer, à divorcer. Le hasard me fit découvrir cette crevasse. J'imaginais qu'en trouvant mon chapeau, on croirait à un accident. Cela ne manqua point, vous le voyez. Et cette solution élégante satisfit à la fois le respect que j'ai pour l'existence humaine et ma soif légitime de tranquillité. » Et ayant exécuté un dehors impeccable, il ajouta « On n'imagine pas quel calme la mort vous apporte. » Ainsi s'achève, au bord du gouffre mystérieux, par Maurice Level.